Les crépitants peuvent également être classés selon leur position dans le cycle ventilatoire. On distingue ainsi les crépitants de fin d'inspiration ou crépitants tardifs, les crépitants de début d'inspiration ou crépitants précoces et les crépitants de mi-inspiration. Écoutez des crépitants de fin d'inspiration. Ils sont nombreux, il s'agit de crépitants fins, ils augmentent en nombre et en intensité à la fin de l'inspiration. Ce caractère est mieux perçu lors d'une ventilation à faible fréquence et grand volume courant. Il s'observe dans les pathologies de l'alvéole. Écoutez à nouveau les crépitants de fin d'inspiration.